Le porte-parole du comité central de l'Union des travailleurs agricoles de Corée a publié le 25 avril une communication sous le titre « Nous mettrons en bouille sans pitié tous les envahisseurs qui cherchent à empiéter sur notre territoire et notre régime ». Il stigmatise les témérités militaires et menées de sanctions et de pression des États-Unis et de leurs fantoches sud-coréens contre notre république, comme la provocation militaire insensée perturbant gravement la paix et aggravant extrêmement la tension de la péninsule coréenne et de la région, et comme une déclaration de guerre délibérée visant à déclencher à tout prix une guerre nucléaire en Corée. Et de continuer. Répondre à la guerre totale par la guerre totale et à la guerre nucléaire par notre propre manière de frappe nucléaire mortelle et mettre en bouille impitoyablement tous les agresseurs et provocateurs, voilà la volonté ferme de notre armée et de notre peuple et leur déclaration de la victoire certaine. Une fois lancé l'ordre, nos autres agriculteurs, l'arme dans la main, nous écraserons les impérialistes américains et les traîtres sud-coréens, maniaques de guerre. Les États-Unis et leurs fantoches sud-coréens doivent savoir correctement que s'ils osent porter atteinte à notre territoire, que nous défendons au péril de notre vie, de pair avec les puissantes forces révolutionnaires d'Actusan, ils se ruineront définitivement et ils sont tenus d'agir avec raison.